Chapitre 4. La mort simulée. Il n'est pas bon de simuler la mort. Il ne semble pas que cette croyance soit générale en Irlande. Dans les contes et légendes d'Irlande, pages 170 à 173, une vieille femme simule la mort pour se procurer quelques ressources et n'en éprouve aucun dommage. Autrefois, il y avait au collège de Tréguier de grands élèves dont quelques-uns avaient 22 et même 25 ans. C'étaient de jeunes paysans auxquels on avait fait commencer leurs études que sur le tard. Bien qu'ils se destinassent à la prêtrise, ils se livraient souvent à des plaisanteries qui sentaient le rustre. Un jour débarqua au petit séminaire un garçonnet de chétive apparence et dont l'esprit n'était guère plus robuste que le corps. Il était, comme on dit chez nous, brise-sotte, c'est-à-dire un peu bête. Ses parents avaient pensé qu'à cause de sa simplicité même, il ferait un bon prêtre et s'étaient saignés aux quatre veines pour l'entretenir au collège. Le cher pauvret ne tarda pas à devenir le souffre-douleur de ses camarades. Il n'était pas de méchant tour qu'on ne lui jouât. Il avait d'ailleurs une âme sans rancune et se prêtait bonassement à tout ce qu'on exigeait de lui. En ce temps-là, je ne sais si cela existe encore, les grands élèves avaient au collège des chambres qu'ils occupaient à deux ou trois. On les appelait pour cette raison des chambristes. Ernest Renan, qui fut élève en ce petit séminaire de Tréguier et qui lui a conservé un pieux souvenir, trace le portrait suivant des jeunes gens qui le peuplaient vers 1830, souvenir d'enfance et de jeunesse, page 136. Mes condisciples étaient pour la plupart de jeunes paysans des environs de Tréguier, vigoureux, bien portants, braves, et comme tous les individus placés à un degré de civilisation inférieur, portés à une sorte d'affectation virile, à une estime exagérée de la force corporelle, à un certain mépris des femmes et de ce qui leur paraît féminin. Presque tous travaillaient pour être prêtres. Le latin produisait sur ces natures fortes des effets étranges. C'était comme des mastodontes faisant leurs humanités. Notre innocent avait pour compagnon de chambre Jean Cosse de Pédernec et Charles Glaouillère de Pratt. Un soir, quand Tom Légaret, ainsi se nommait le Brissot, était resté prier à la chapelle, Charles Glaouillère dit à Jean Cosse : « Si tu veux, nous allons bien nous amuser, aux dépens de l'idiot. Comment cela ? Tu vas défaire tes draps, puis nous les suspendrons l'un à la tête, l'autre au pied de mon lit, de manière à former une chapelle blanche. Je me coucherai, et lorsque Légaret entrera, tu lui annonceras les larmes aux yeux que je suis mort. Tu seras censé m'avoir veillé jusqu'à ce moment et tu l'inviteras à te remplacer. Tu sais, comme il est docile, il ne sera pas nécessaire de le supplier. Tu auras soin, en sortant, de laisser la porte entrouverte. Tu diras aux camarades des chambres voisines de se tenir avec toi dans le couloir. Je vous promets à tous une scène désopilante. » Si jamais, après une pareille nuit, Légaret consent à veiller un mort, je veux que le cric me croque. Bravo ! S'écria Jean Cosse. Il n'y a que toi pour avoir des imaginations aussi extraordinaires. Les voilà de se mettre à l'œuvre. En un clin d'œil, les draps sont attachés au plafond. Une serviette est disposée sur la table de nuit. L'assiette, où les étudiants ont coutume de déposer leur savon, sert de plat pour l'eau bénite. On allume à côté quelques bouts de chandelle. Bref, tout l'appareil funèbre est au complet. Et dans le lit, Charles Glaouillère, rigide, les mains jointes, les yeux mi-clos, simule à merveille le cadavre. Lorsqu'Anton Légaret entra, il ne fut pas peu surpris de voir Jean Cosse à genoux au milieu de la chambre et récitant le De Profundis. « Qu'est-ce qu'il y a donc ? » demanda-t-il. « Il y a que notre pauvre ami Charles a rendu son âme à Dieu, » répondit Jean Cosse d'un ton bas et lugubre. « Charles Glaouillère, il était si bien portant tout à l'heure. La mort a de ses coups imprévus. Voici 2 heures que je le veille. J'ai dû l'ensevelir tout seul. Je suis brisé d'émotion et de fatigue. Vous êtes comme moi, son frère de chambrée. Je vous serais reconnaissant de prendre ma place auprès de sa dépouille mortelle. jusqu'à ce que je vienne vous relever, après avoir goûté quelque repos. « Allez, allez vous reposer !» murmura l'innocent. Et il s'agenouilla sur le carrelage de briques, à l'endroit que Jean Cosse venait de quitter. Tirant de sa poche son livre d'heures, il se mit à débiter toutes les oraisons d'usage en pareilles circonstances. De temps en temps, il s'interrompait pour moucher une des chandelles, pour jeter un peu d'eau soi-disant bénite sur le corps, et aussi pour dévisager timidement le camarade que Dieu avait rappelé à lui. Car c'était peut-être la première fois qu'Anton le Simple se trouvait face à face avec un trépassé. Il était si préoccupé de remplir décemment sa fonction de veilleur funèbre qu'il n'entendait pas les chuchotements qui se faisaient à quelques pas de lui dans l'entrebâillement de la porte. Toute la bande des camarades dont les cellules donnaient sur ce couloir était là, les yeux aux aguets. Ils n'attendaient pour se gaudir que la burlesque scène promise par Jean Cosse au nom de Glaouillère. Ils attendirent longtemps. Les heures nocturnes sonnèrent l'une après l'autre. Minuit retentit quand son tour fut venu. Une impatience mêlée de peur commençait à gagner chacun. Un des écoliers dit à mi-voix « Glaouillère ne bouge pas, si cependant il était mort pour de bon ». Ce fut le signal d'une débandade. Seuls les plus résolus demeurèrent. « Entrons, il faut savoir !» prononça Jean Cosse. Peut-être Glaouillère a-t-il imaginé de nous mystifier tous, et non plus seulement Anton Légarette. Il est de force à cela. Ce fut une irruption dans la chambre, mais dès les premiers pas, les apprentis prêtres restèrent cloués sur place par l'épouvante. Le visage de Glaouillère était jaune comme cire, ses yeux étaient convulsés et fixes, le souffle de l'encou avait terni son regard, l'âme pour s'échapper avait écarté les lèvres, on ne voyait plus entre les dents blanches qu'un trou béant, un creux noir et sinistre. « Le malheureux !» s'écrièrent d'une commune voix les étudiants. « Il est mort, il est réellement mort !»« Jean Cosse ne vous l'avait-il donc pas dit ?» interrogea tranquillement l'idiot. Conté par Catherine Carvenec, Port-Blanc. C'est peut-être en traduisant cette légende que j'ai le plus vivement senti l'impossibilité presque absolue de faire passer dans la phrase française quelque chose de l'horreur tragique que distille à chaque mot le récit breton. Catherine Carvenec a la voix mélodieuse et lente. Elle nous racontait ce qui précède avec une aisance tranquille, comme s'il se fût agi d'un événement très ordinaire. Tout en écrivant au gré de sa parole, j'examinais du coin de l'œil d'autres conteuses qui étaient là et qui attendaient leur tour. Elles étaient pâles, pâles de terreur. J'ai rarement vu sur des figures humaines une telle expression d'angoisse. Eh bien, je n'ai fait que traduire mot à mot le récit de Catherine Carvenec. D'où vient que le meilleur s'en est évaporé? C'est ma faute, sans doute. Je remplis un acte de conscience en m'accusant ici, et pour ce récit et pour tous les autres. Qui plaisante avec la mort trouve à qui parler. Lisa Rostrenne du manoir de Kervenou était la plus jolie fille de paysan qui marcha dans toute la paroisse du Faouet, et même dans les paroisses d'alentour. Le Faouet entre Pontrieux et Châtelaudrin, dans les côtes du Nord. Elle était fiancée depuis quelques mois à Lol Arbrise, un jeune homme de Plourivaux, qui la venait voir une fois par semaine le dimanche. Lol, diminutif d'Olivier. Lisa Rostrenne avait l'humeur gaie et plaisante. Lol l'aimait d'un amour trop grave à son gré. Aussi l'entreprenait-elle souvent, et il n'était pas d'espièglerie qu'elle ne s'amusât à lui faire. Il y avait à Kervenou une petite servante pour le moins aussi espiègle que Lisa. Elle aidait sa maîtresse à lutiner le pauvre Lol. Quand celui-ci arrivait au manoir le dimanche matin, il était rare que Lisa fût là pour le recevoir. La petite servante se chargeait d'expliquer au galant l'absence de sa fiancée et lui débitait à ce propos les histoires les plus invraisemblables. Or, Lisa était tout simplement allée se cacher au grenier ou derrière le tas de paille dans la cour. Elle se montrait tout à coup, au moment où, désappointée, LOL s'apprêtait à reprendre le chemin de Plorivaux. C'était alors chez les deux écervelés des éclats de rire sans fin. LOL ne tardait pas à se dérider lui-même, tout en reprochant à son amoureuse de gaspiller en enfantillage un temps qu'il eût été si bon de passer à se dire de douces choses. Mais Lisa était incorrigible. Un samedi soir, elle dit à la petite servante avec qui elle couchait « Quelle farce drôle pourrions-nous bien faire demain à LOL Arbrise ?»« Dame, répondit la petite servante, il faudrait en tout cas inventer quelque chose de nouveau, car nos anciennes ruses sont éventées presque toutes. »« C'est aussi mon avis. Écoute, Annie, c'était le nom de la petite servante. » Il m'est venu une idée. Je voudrais voir si LOL m'aime vraiment autant qu'il le dit. Quand il arrivera demain et qu'il te demandera où je serai, tu lui répondras avec un visage tout triste. Hélas, elle s'en est allée à Dieu. Plus jamais vous ne la verrez en ce monde. Vous ferez donc la morte, Lisa? Précisément. On prétend que cela porte malheur. Bah, une plaisanterie innocente, rien que pour juger si LOL aurait peine de cœur en me croyant perdue. Soit, répartit Annie. Elles passèrent une grande moitié de la nuit à organiser le complot. Le soleil du lendemain se leva. Nos deux folles s'en allèrent à la messe matinale, comme elles en avaient l'habitude, depuis que LOL Arbrise avait été admis à faire sa cour à Lisa. Celui-ci pouvait ainsi passer le temps de la grand-messe en tête-à-tête avec sa promise, le reste du personnel de la ferme se rendant au bourg pour assister à l'office. Au deuxième son des cloches, il y a trois sonneries espacées d'une demi-heure pour la grand-messe. Vieux parents, domestiques, porchers, tout le monde s'acheminait vers le Faouet. Il ne demeurait au manoir que Lisa et la petite servante. C'était le moment que LOL choisissait pour faire son apparition. Dès que les deux jeunes filles se virent seules ce dimanche-là, elles s'empressèrent de mettre à exécution le projet médité la veille. Lisa Rostrand s'étendit de tout son long sur la table de la cuisine, la tête appuyée à la miche de pain qui se trouvait, comme c'est l'usage, au haut bout, près de la fenêtre et qu'enveloppait une nappe fraîche sortie de l'armoire le matin même. Sur le corps de Lisa, la petite servante jeta un drap de lit. Puis elle alla s'asseoir sur le banc étroit qui court le long des meubles dans la plupart des fermes bretonnes. Le troisième coup de la grand-messe venait de sonner. La vibration des cloches s'éteignait à peine que LOL Arbrise parut dans le cadre de la porte ouverte. « Bonjour et joie à vous, Annie. Où est Lisa, votre maîtresse ?»« C'est mauvais jour et tristesse que vous devriez dire, LOL Arbrise, » fit d'un ton larmoyant Annie l'espiègle. « Qu'y a-t-il donc que vous parlez de la sorte ?»« Il y a que ma maîtresse ne sera pas votre femme, LOL Arbrise. »« Voulez-vous signifier par là que je ne suis plus de son goût ? Ou bien, depuis dimanche dernier, est-il venu quelque nouveau galant qui m'a déplanté ?» Lisa Rostrand ne sera pas votre femme, ni celle d'aucun homme. Lisa Rostrand est maintenant auprès de Dieu. Morte ? Lisa ? Prenez garde, Annie. Toute plaisanterie n'est pas bonne affaire. Mais regardez donc du côté de la table, soulevez le drap et voyez ce qu'il y a dessous. Le jeune paysan devint tout pâle, de quoi la petite servante s'amusa fort au-dedans d'elle-même. Il alla au drap, le souleva et recula épouvanté. « Hélas, ce n'est que trop vrai !» s'écria-t-il. « LOL !» prononça Annie en s'efforçant de garder son sérieux. « N'avez-vous pas entendu dire que des amants avaient ressuscité leurs amoureuses mortes en les prenant sur leurs genoux et en leur donnant un baiser ? Si vous essayez ce remède... »« Malheureuse, vous osez plaisanter encore !»« Essayez, vous dis-je, et ne vous fâchez pas. Tenez, je vais vous aider. » Elle se leva du banc où elle était assise. Mais elle ne se fut pas plus tôt approchée de la table qu'elle faillit tomber à la renverse. Lisa Rostrand avait réellement au cou la couleur de la mort. Ses yeux agrandis n'avaient plus de regard. « Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible !» hurla par trois fois la pauvre Annie. « Ça, LOL Arbrise, prêtez-moi donc secours. Mettons-la sur son séant, je vous jure qu'elle est vivante. Elle ne peut pas être morte. » Si, Lisa Rostrand était morte et bien morte. Les efforts réunis de Lol Arbrise et Dany la servante ne servirent qu'à tourmenter un cadavre. Le lendemain, on enterrait dans le cimetière du Faouet la jolie héritière de Kervenou. Il est probable que son fiancé s'en consola à la longue, mais la petite servante en resta folle. Conté par Jean-Marie Toulousan, piqueur de pierre, Port-Blanc. Je travaillais à l'église du Faouet au moment où le fait se passa, ajoutait Jean-Marie Toulousan. Je n'ai pas connu les personnages de l'histoire, mais des ouvriers originaires du pays qui étaient employés au même chantier avaient souvent occasion de rencontrer la pauvre folle. Elle mendiait son pain de maison en maison. Elle éclatait de rire brusquement et l'instant d'après, elle sanglotait à fendre l'âme.